Wie bądź po ludzie. Le champagne enterré, sous bien se faire enterrer en carrière. La vie est belle, j'ai peur de le dire, ça fait longtemps que j'attends la mort. Je parle plus trop à mes potes, j'en avais marre d'être déçu. Faut qu'on pousse la tonne pas cher, on sera bronzé comme dans le sud. Sur la terre j'ai peu d'amis, y'a quoi qui me reste. La rue c'est pas les films, j'ai vu leur test. À l'ancienne c'était la reste, quand y'a de la sèche je veux une presse. J'avoue qu'il me fallait plus pour moins traîner dans la tête. Les étoiles nous attirent quand on tire dessus. Des fois je suis fou, des fois je suis fier. Je prends trois tourbes dans Bagdad, les cités blanches m'a évadir. Tous les jours j'ai vendu pour voir la lune sous un autre œil. Toutes les armes sont brandies, y'a pas de lisa, y'a du menotte. Toute ma vie j'ai traîné, j'ai volé comme si c'était normal. J'avoue j'ai grave mêlé, mais j'ai fait mes bagarres dans le hall. Eux avant ils nous regardaient d'en haut. La route tourne grâce à l'effort. Souris Dia qu'on veut tout prendre et pas de piège. Je donne trop et prendre un peu c'est pas grave. Pour toi pour lui c'est pareil. Y'a rien qui vous sépare. Vous êtes ensemble c'est carré. Y'a 7-0 le carré. Tu m'aimes ou pas c'est pareil. On s'est connus en la cas. On se retrouvera au sommet. J'sais pas j'crois que je vais m'énerver. Faut rester humble et respectueux. Ce que m'a dit refait. Dis-moi si faut le fumer. J'ai vu ce qui bat que préfet. Salope facile qu'on préfère. Militarisé qu'on finit. J'ai le poids du monde sur mes épaules. Qu'au réseau sur un pénal qui fonctionne pas à la 3G. Dis-moi qui est présent quand se resserre les taux. C'est qui peut bouger pour moi me laisser allongé sur le pavé. Y'a pas de fumée sans feu. Si je fais feu c'est pour fumer. Y'a pas de montée sans envieux. Par un fan je peux me faire fumer. RS3 je fais ce qu'il est port. Ma conz et neuf font l'impair. Fonte sixième y'a plus de rapport. Détonation en matière. Mon gars, tu connais, t'as l'année d'expérience. Ouais, t'as fallu. Je suis tellement mon mari m'a parché. Deux, trois années ferme mon corps à purger. La nuit porte conseil, je rentre tard. Je pense à me refaire, faut 2-3 kilos de CO. Par jour, 10 ça au prof de maths. 200 euros pour la photo, j'ai tout fait rentrer à l'maton. 10 000 euros par jour, 10 ça au prof de maths. 200 euros pour la photo, j'ai tout fait rentrer à l'maton. Tu donnes trop et prends trop peu, c'est pas grave. Pour toi, pour lui, c'est pareil. Y'a rien qui vous sépare. Vous êtes ensemble, c'est carré. 2-7-0 le carré. Tu m'aimes ou pas, c'est pareil. On s'est connus. En l'air là, on se retrouvera au sommet. J'sais pas, j'crois que je vais m'énerver. Faut rester humble et respectueux, ce que m'a dit refait. Dis-moi s'il faut le fumer. J'ai vu ce qui bat que préfet. Salope facile qu'on préfère. Militarisé, confiné.